Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons cet épisode le 9 mars 2021, il faisait 12 degrés aujourd'hui à Amiens, il faisait bon en Picardie. Le Bitcoin a pris 3 000 $ depuis la semaine dernière et vaut actuellement 53 975 $ au moment où on enregistre cet épisode. Je me suis lancé de mon côté dans Zelda Breath of the Wild, bien après tout le monde, et je dois reconnaître que c'est bien foutu. Même si je rencontre quelques menus soucis pour savoir vers où m'orienter, mais je pense que je vais y arriver. Et puis je suis au fur et à mesure la saison 2 de For All Mankind et je me suis même lancé dans WandaVision. Vous voyez que je m'ennuie pas en ce moment, on aura des choses à raconter. Au programme de cette émission préparée par Guillaume Pogjaspala, on va parler un peu de sécurité avec des données de santé compromises, des nouvelles informations autour des attaques par supply chain, mais on va vous parler aussi de Microsoft Exchange qui a vécu des heures difficiles, d'entreprises chinoises dans la tourmente, mais aussi de Bitflip. Rien à voir d'ailleurs avec une crypto-monnaie, hein, vous verrez, c'est bien spécifique le Bitflip. On parlera une fois de plus également de surveillance en Chine, de tracking pour Google et Facebook, de réglementation pour les paiements d'applications qui concerneraient Apple en première ligne, de deepfake. On parlera aussi de SpaceX, de la ville d'Elon Musk aux États-Unis, du contrat de Jedi. Bon, on a plein de choses qu'on va aborder ensemble. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à la tech, ce que les gaufres Nutella sont aux vacances en hiver et ce que les glaces à l'italienne sont aux vacances d'été. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume. Oui, que des trucs qui font grossir, hein. Tu remarques bien qu'il faut consommer avec modération. Effectivement, il faut pas en abuser, et ça souffle le chaud et le froid aussi. On retrouve également, et c'est toujours un très grand plaisir, un journaliste tech émérite de chez Frandroid, c'est Kassim Ketfi. Salut Kassim. Comment vas-tu? Salut, ça va toujours très bien, toujours un plaisir de venir parler, alors je sais pas si je vais parler autant de ma vie que ta magnifique introduction qui donnait ma foi très envie, mais je suis là. Ah oui, c'est mon petit privilège. Plein de petites choses. Eh ben écoute, super, merci beaucoup en tout cas de te rendre dispo pour l'enregistrement de Tech Café, et tu t'es rendu aussi dispo pour un épisode de Paraculte que je vous invite à écouter. Vous retrouvez Guillaume Pogjaspala et Kassim, probablement un des meilleurs épisodes de Paraculte qui a été diffusé. Vous avez parlé de Dragon Quest et de Akudama Drive. Dragon Quest, donc pas le jeu vidéo, hein, si vous connaissez, mais plutôt l'animé. Allez écouter ça vaut le coup. Abonnez-vous à Paraculte, c'est évidemment un podcast de grande qualité pour la pop culture. Gauthier R, lui, a donné son avis pour Tech Café sur Apple Podcast. Il a dit que c'était une veille technologique all-in. Un podcast co-animé par les Guillaume, telle une partie de ping-pong ou un set disputé de Roland-Garros, l'animation orchestrée par Guillaume V avec son enthousiasme légendaire, appuyé par le génialissime et incollable Jamy de la Tech. Merde, il m'a piqué une analogie, il faudrait que je la réutilise. Monsieur Guillaume P, il nous amène le beurre, l'argent du beurre et notre veille technologique. Un grand merci et bravo à vous deux pour ce que vous faites. Et d'ailleurs, si vous attendez, comme lui, les épisodes chaque semaine, si jamais ils arrivent, les épisodes, dans votre app de podcast et vous savez par avance que vous allez passer un bon moment, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à l'endroit incontournable pour vous assurer que Tech Café restera longtemps disponible. C'est simple, c'est patreon.com/techcafé, le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez faire partie de nos soutiens, accéder à la partie premium du podcast, et ça vous prendra en plus que quelques minutes, vous pourrez contribuer surtout très très très concrètement à notre fonctionnement. Vous profitez de la suppression des campagnes de pub, du chapitrage, des notes des émissions avant les enregistrements en fonction des paliers. Allez, merci bien particulièrement à Gringuedigaigle, à Xavier Hab, à Philippe Buche et JB Jourdain. Ce que vous faites, c'est évidemment extrêmement précieux. On vous dédie bien légitimement cet épisode. Sans autre forme de procès... Ah oui, non, juste avant d'attaquer les news, allez jeter un petit coup d'œil encore une fois aux notes des émissions. Hein. Je vous le redis pas assez souvent, mais là, Guillaume a fait preuve d'un nouveau défi rédactionnel. Vous en prendrez connaissance et vous pourrez le voir en même temps que vous écoutez le podcast. Allez-y dans les notes de l'émission. Donc sans autre forme de procès, disais-je, on va attaquer avec quelques petites news, à commencer par une fuite de données autour de la santé, des données évidemment extrêmement sensibles. Pour nous, Français, Guillaume, est-ce que tes données de santé ont été mises à disposition sur le web ? Écoute, probablement. En fait, j'en sais rien, mais c'est vrai que le mois dernier, on a retrouvé sur des groupes Telegram, dont certains ouverts au public, hein, d'ailleurs, un fichier de presque 500 000 lignes de données personnelles sur autant de personnes qui a été volé. Alors, supposément à Dédalus, une boîte de logiciels de saisie médicaux. Alors, c'est pas confirmé, mais bon, Dédalus, c'est le point commun des 27 labos dont viennent les données, hein, et il a été victime d'une attaque de rançon logiciel fin 2020. Donc, les données qui datent de 2015 à 2020 contiennent nom, numéro de sécu, mail, téléphone, groupe sanguin. Après, il y a des infos médicales supplémentaires diverses, ça dépend des cas, mais il peut y avoir des données quand même vraiment très sensibles. Genre si t'es séropositif ou pas, si t'es enceinte ou pas, bon, ce genre de trucs. Bref, une manne qui, pour quiconque, vaut d'affaire du phishing. Donc voilà, redoublez de méfiance, hein, sur les mails que vous recevez, même s'ils mentionnent des données que vous pensez confidentielles. Et il est même pas impossible d'ailleurs que ces données puissent servir à faire chanter certaines personnes, hein. Donc en attendant, une enquête est en cours et la CNIL vient d'annoncer que les labos allaient notifier par email les personnes concernées par la fuite. Alors, les labos ont d'ailleurs demandé à la CNIL et voilà, ils ont prévenu et avec le RGPD, ils y sont obligés en fait. Et par ailleurs, il n'est pas si évident de faire d'ailleurs un site général comme Have I Been Pwned, vous savez le site où on va. Oui. Voilà, si on marque son, adresse email et on voit si elle fait partie d'une base de données comme ça liquée. Mais pour ça, il faut agréger, en fait, ces données pour faire la vérification par soi-même. Et bon, bah, en gros, ceux qui détiennent la base s'exposent à des risques. Comme ceux qui la mettent à disposition, en fait. Donc pas seulement ceux qui s'en servent. C'est pour ça que c'est assez difficile et que finalement, c'est les labos qui vont prévenir au cas par cas. Donc normalement, vous devriez recevoir un email si vous êtes concerné. On est impatient, hein, quand on est dans cette situation ou quand on suit un peu l'actu tech, de savoir si on fait partie des personnes concernées. On a très très envie d'aller faire la requête. Bon, patience et espérer, croiser les doigts pour ne pas recevoir l'email terrible et fatidique d'information de fuite de vos données. Kassim, tu sais pas si tu fais partie évidemment des victimes, et puis tu nous le diras pas de toute façon, même si c'est le cas. Non, mais t'as tout dit. Être impatient dans ce genre de situation, c'est carrément dans le sujet des données de santé. Mais au-delà de le jeu de mots, c'est magnifique. C'est magnifique. Non, mais au-delà de ça, par contre, la crise du Covid a amené un problème de sécurité de sécurité informatique assez large. Alors là, on imagine bien que si des labos ont été visés, c'est parce que peut-être qu'en ce moment ils ont plus d'informations qu'auparavant, ou que ça peut être une plus grosse base de données à attaquer qu'auparavant. Puis au-delà de ça, on pourra y revenir dans d'autres news, mais avec la généralisation du télétravail dans certains métiers, forcément ça a ouvert des failles de sécurité qui avant étaient peut-être mieux contrôlées par les entreprises. Tout ça, ça peut causer ce genre de problème justement. Donc on verra bien quand est-ce que les gens seront contactés. Ouais, effectivement, c'est intéressant ce que tu soulignes, parce que la sécurité informatique, on a souvent la naïveté de penser que ça se résume à des failles qui doivent être corrigées, à des bugs, des portes dérobées. Et en fait, il y a beaucoup d'autres choses qui tournent autour de la sécurité. Quand on travaille dans le domaine de la sécurité, il y a aussi plein d'enjeux autour de la façon dont on accède aux informations, des choses très humaines. Et tu as raison de souligner le fait que travaillant à distance, on a dû probablement bouleverser la façon dont la sécurité était surveillée dans les entreprises. Et puis effectivement, ce Covid a permis aussi de mettre en lumière à quel point les données de santé, les hôpitaux qui ont été la cible de pas mal d'attaques, sont des institutions qu'il va falloir protéger à double titre. Alors, on a parlé beaucoup des attaques autour des hôpitaux, et évidemment, on vient de parler des données de santé. Il y a un autre sujet qui a fait les choux gras de nos épisodes de podcast, mais aussi de l'actu tech en matière de sécurité, c'est les attaques qui touchent la supply chain, Guillaume. Ouais, ces derniers temps, tout va toujours plus vite, hein, parce qu'il y a 2 semaines, des chercheurs en sécurité pénétraient les réseaux de Microsoft pour démontrer une nouvelle vulnérabilité de leur supply chain. Alors, c'est vrai que c'est une nouvelle attaque de cette forme-là. Et finalement, cette semaine, c'est une véritable attaque, et pas juste une preuve de concept, hein, de ce type qu'ont subi Amazon, Slack, Zillow et Lyft. Alors cette fois, c'est le principe de la supply chain logicielle, hein, parce que les systèmes modernes, c'est des trucs extrêmement complexes, qui sont basés sur une énorme pile de code, hein, dont beaucoup d'éléments sont interdépendants. Bon, on le connaît tous, hein, tel logiciel a besoin de telle librairie, qui a besoin de telle API, qui a besoin de tel pilote, etc., etc. Et donc, tous ceux qui utilisent Linux, hein, d'ailleurs, le savent depuis leur premier apt-get install, hein, tout est automatisé et regroupé dans des software repositories, des dépôts logiciels, où les programmes comme Aptitude vont chercher les paquets et résolvent les interdépendances comme ça. Donc, tel paquet requiert tel autre paquet, qui requiert tel autre paquet, etc. Bon, voilà, vous voulez vous faire oui, non, et c'est parti pour quelques minutes, hein, voilà, de lignes qui défilent à toute vitesse dans votre terminal façon Mr. Robot. Bon, en fait, c'est juste un temps d'installer VLC, mais ça fait super classe. Bref. C'est vrai, en plus. Alors, bien sûr, tout ça peut se faire de manière transparente avec une interface graphique, hein. Et puis, bah, bien sûr, il peut y avoir des systèmes et des dépôts de code privés ou spécifiques. Donc, si vous êtes une grosse boîte comme Microsoft qui produit des gros logiciels, bah, vous avez votre système de build interne qui va chercher automatiquement les bouts de code pour compiler le produit final. Hein. Et ça, dans des myriades d'endroits qui sont internes à la boîte, que là où les programmeurs font les bouts de code voilà, que vous produisez, et aussi en externe pour les bibliothèques open source que vous utilisent vos programmeurs. Donc, un chercheur s'est rendu compte que le système automatisé de build avait une préférence pour les paquets externes sur les paquets internes. S'ils en trouvaient. Donc s'ils trouvent deux paquets du même nom et qu'un qui est externe, bah, évidemment ils vont aller celui qui est. Il faut voir s'il y en a un externe, et si celui-là a un numéro de version plus élevé, ils vont le prendre. C'est assez logique. Et c'est pas idiot, hein, si une librairie voilà, elle est sans doute plus à jour dans un dépôt open source comme NPM, le dépôt pour Node.js ou PyPI, le dépôt Python, le Python Package Index pour être précis, donc c'est que dans le réseau de l'entreprise. Donc il va chercher le truc le plus à jour, a priori. Alors, pour les vrais paquets publics. Ben c'est pas comme des trucs qui sont vraiment sur NPM, hein, ben pas de souci parce que ils sont maintenus par la communauté, donc les compromettre ça va se voir, la communauté va le remarquer. Mais qu'est-ce qui se passerait si on mettait sur PyPI, par exemple, hein, sur le Python Package Index, là, une librairie en Python qui porte le même nom qu'une librairie non publique utilisée à l'intérieur de l'entreprise? Ben là, par contre, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le gestionnaire de paquets va utiliser celle-là plutôt que les bonnes. Il suffit de mettre un numéro de version vachement élevé et le paquet, il va regarder, ah bah tiens, il y a un truc plus à jour sur PyPI là, ben, je vais aller sur PyPI. Donc il faut connaître les noms, bien sûr, mais ça peut se leaker en fait, hein, via des manifestes et des scripts quand l'appli est publiée. Donc il y a un chercheur qui a uploadé un max de paquets Python et Node.js sur NPM donc ça contenait un bout de code inoffensif, bien sûr, hein, mais c'est un code qui envoyait un signal. Et voilà, et donc il a fait ça, et il en a mis pas mal, hein, il a mis des centaines, et après, bah, il a attendu un petit peu, et puis bah, il a commencé à recevoir des appels à la maison. Voilà, il y avait des programmes à l'intérieur du réseau Microsoft qui étaient en train d'appeler à la maison. Et donc ce type d'attaque a été confirmé une deuxième fois, et c'est dangereux, parce que tu peux amener le réseau d'une entreprise à exécuter ton code. Et surtout, c'est pas très dur, donc c'est en fait largement utilisé. Ben, ça a pas raté. Sonatype vient d'annoncer qu'ils avaient trouvé des paquets NPM destinés à voler des mots de passe à l'intérieur des réseaux d'Amazon, Lyft et Slack. Donc pour le moment, Zillow, Slack et Lyft ont été rassurants. Amazon n'a pas encore répondu, à ma connaissance, hein. Mais bon, il est clair que voilà, c'est un nouveau type d'attaque. Alors c'est nouveau pour nous, mais en tout cas, c'est un nouveau type d'attaque, hein, qui a de beaux jours devant lui, quoi. Je vais te laisser enchaîner avec la news suivante qu'on peut assez facilement raccorder à cette info. Moi, quand même, ce qui m'étonne là-dedans, dans la démarche que tu décris, c'est que ça paraît évident que des ressources de type entreprise aillent chercher prioritairement des paquets parce qu'ils sont plus récents en externe. Et en fait, ça m'étonne, ça. Dans les process de développement, il me semble que l'important, ce serait d'ailleurs de prioriser plutôt l'interne, et y compris même si la version n'est pas forcément plus récente, parce que intégrer des paquets plus récent, ça amène des vérifications en plus. En fait, en gros, quand on a des dépendances dans le développement, j'imagine que quand il y a des choses qui sont plus récentes en termes de ressources dans les librairies qu'on utilise, on a tendance à redoubler de vigilance pour vérifier si tout ce qu'on a fait avant et marche encore. Mais c'est peut-être naïf de ma part, hein. Je suis un petit peu étonné. En fait, ça marche sur une forme de confusion des noms. C'est-à-dire que globalement, normalement, tu connais pas le nom des trucs qui sont utilisés en interne dans la boîte. Donc tu peux pas fabriquer des paquets qui font des confusions, qui rendent confus le gestionnaire de paquets. Et le truc, c'est que le chercheur a montré qu'en fait, c'était pas si bien protégé que ça. Et que dès lors que tu connais le namespace, en fait, bah, tu peux fabriquer un truc qui a le même namespace sur un dépôt de code. Et automatiquement, parce que c'est ce qu'il est programmé pour faire, le truc, il va aller chercher sur les dépôts de code, il va trouver une nouvelle version, une meilleure version, il va se dire, bah, je vais la prendre. Et c'est fini. Voilà. Alors, on va parler justement de... On enchaînera et puis on te laissera réagir, Kassim, sur ces éléments, mais on va parler aussi d'un autre procédé d'attaque mis en lumière dans le cadre d'une recherche sur la sécurité. C'est le bitflip. Alors, le nom est sympa, il est un petit peu mignon, un bitflip, oui, comme mignon. Et on a du mal à comprendre ce que c'est, jusqu'à ce qu'on lise évidemment l'article qui est derrière, jusqu'à ce qu'on écoute ton explication, Guillaume. En gros, il suffirait qu'un simple bit, un simple petite information de 0 passe à 1 ou de 1 à 0 pour qu'on foute un dawa pas possible, quoi. Ben en fait, ouais, bah oui, mais ça, c'est vrai que c'est marrant, ça m'a vraiment étonné. Alors pourquoi on fait des cafés depuis si longtemps, hein? Ben c'est parce que, voilà, ça se renouvelle sans arrêt, on continue d'être surpris régulièrement, et parfois pas bien, mais bon, on continue d'être surpris. Et bon, voilà, donc effectivement, ton PC flippe des bits. Alors le mien aussi, hein, c'est la mémoire vive. Ben, la mémoire vive, c'est une matrice énorme de bits, hein, 0 ou 1, qui est, voilà, il y a aussi des influences physiques extérieures là-dessus. Voilà, température, rayonnement cosmique, fluctuation d'électricité, voilà, bon, ben, donc. comme ça, au hasard, ça peut changer de 0 en 1 ou de 1 en 0. Parce que c'est quand même assez délicat, hein, tous ces composants qui sont ultra miniaturisés, donc finalement, c'est pas super étonnant. Cela dit, bon, quand un chercheur, enfin, quand une recherche en 2010 a annoncé qu'un PC avec 4 gigaoctets de RAM a 96% de chance d'avoir un bit flip dans les 3 jours, c'est déjà plus étonnant, parce que moi, j'ai 16 gigas de RAM, donc ça veut dire que je bit flip quotidiennement. C'est flippant de bit flipper comme ça tout le temps. Et après, ça dépend. Si c'est bit flipper un accent, tu vois, par exemple, l'accent aigu de E sur Vendée qui se transforme en accent grave, des trucs comme ça, c'est pas très grave en fait. C'est ça, mais ça passe inaperçu. C'est ça, tu t'inquiètes. Bon, alors quand tu t'inquiètes, tu rationalises en général. Et tu dis, bah, quelle est la probabilité que sur mes 128 milliards de bits, celui qui pourrait une fois de temps en temps déconner et un impact vraiment significatif sur ma vie. 128 milliards, ça fait quand même beaucoup. Ben, c'est la même question que s'est posé Rémi, un gars qui sait aussi que votre PC Windows, bien qu'ayant une horloge interne fonctionnelle, va sans arrêt demander l'heure au serveur de temps de chez Microsoft, hein, qui s'appelle ntp.windows.com. Et là, il a fait un pari sur lequel moi, j'aurais évité de miser ma maison. Hein, c'est est-ce qu'un bitflip complètement aléatoire dans votre RAM peut amener votre PC non pas à contacter windows.com, mais winfos.com, wincos.com, winsnusk.com. Bon. Alors pour le savoir, Rémi, bah, il a quand même déboursé 126$ pour acheter 14 noms de domaines de Windows mal orthographiés, et donc bah, il a écouté ces domaines pendant 2 semaines, et le résultat, bah, il a reçu 200 000 connexions de 626 PC différents. Alors c'est 626 PC que tu peux troller, hein, puisque la fonction de serveur de temps, elle est supposée suffisamment bénigne pour ne pas requérir d'authentification, donc c'est 626 PC qui peuvent se retrouver en 2048, hein, c'est-à-dire à la fin du monde. Bon, en fait, un seul bitflip est avéré, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit des bitflips, parce que le reste peut aussi venir d'un problème. Ça peut être juste tes serveurs qui ping ton adresse, tu vois, enfin, on sait pas... Ben, ça pourrait surtout être un problème qui situe entre la chaise et le clavier, quoi, c'est-à-dire un mec qui... Oui, aussi. Qui m'écrit mal le serveur de temps, parce que voilà, pour une raison ou une ou autre... Ou un problème de... Il aurait écrit. Un problème de clavier papillon, par exemple, chez Apple, tu vois, un truc qui... Éventuellement, bon, bien sûr, mais disons que voilà, c'est les bitflips, ça arrive, et peut-être même que c'est exploitable. Bon, bah, 2 semaines, un bitflip avéré, peut-être plus, donc c'est quand même assez dingue. Kassim, un regard sur ces différentes techniques qui sortent vraiment des enjeux de sécurité qu'on pouvait avoir avant. On parlait de failles, bon voilà, on exploite la faille. Là, on est quand même sur des approches assez différentes qui sont hyper intéressantes à regarder. Je sais pas si tu avais suivi ces éléments, Kassim. Alors déjà sur Bitflip, le nom, vous moquez du nom, je trouve que ça aurait pu être, si on était en 2017, ça aurait pu être le nom d'un nouveau service à la mode, parce que il y a eu cette mode où tous les noms de services commençaient par bit quelque chose. C'est clair, un truc de musique courte, tu vois, des musiques très c'est très courtes, de moins d'une minute. À partager sur Twitter. non, mais sinon, plus sérieusement, moi, je trouve ça toujours très intéressant, ce genre de faille de sécurité, comme tu dis, parce que justement, c'est pas... comment dire, c'est des failles qui prennent à rebours des automatismes et de l'humain en fait derrière, même si ça peut être trompé un algorithme par exemple dans le cas de la supply chain, c'est quand même un algorithme de mise à jour qui a été créé par un humain avec l'idée que bah oui, il faut tout le temps avoir la dernière version et on va tout le temps aller la chercher à l'extérieur et on va pas trop regarder quoi. Et je trouve ça toujours très intéressant de voir à quel point on peut être malin justement sur ce genre de choses et voir comment ils peuvent être corrigés. Et sur le même sujet au niveau de la supply chain, j'avais vu à quel point aussi justement beaucoup de projets se reposent de librairie en librairie sur des projets open source, et à quel point ces projets open source des fois sont maintenus que par 1, 2, 3, 4 personnes des fois sur certains services. Alors il y a des librairies open source bien sûr qui sont maintenues par des dizaines de milliers de personnes et qui sont très populaires, il n'y a pas de souci. Mais on se rend compte voilà, que des fois, il y avait cette petite librairie qui est juste maintenue par une ou deux personnes, et en fait, c'est un truc que même Microsoft ils utilisent, ou que même Apple ils utilisent, dans des logiciels très sérieux, et ça fait partie de la supply chain, et enfin, ça peut aussi interroger sur le suivi de ces logiciels, du coup, et la présence potentielle de failles à travers cette supply chain. Après voilà, mais oui, je trouve ça toujours intéressant de voir les techniques comme ça d'accord, de piratage. D'ailleurs, si à propos des bitflips, ça peut paraître complètement anecdotique et ça l'est un petit peu, mais il faut voir que le serveur professionnel ont des mémoires qui sont à correcteur avec des codes de correcteur d'erreur. Bien sûr. Et du coup, voilà, ça permet, si tu veux, de quantifier un petit peu à quel point c'est pas totalement de la paranoïa d'avoir de la mémoire à code correcteur d'erreur dans un serveur vraiment ultra important quand on sait que oui, les PC en fait bitflipent quotidiennement. Ouais, tu l'avais d'ailleurs souligné, Guillaume, quand tu parlais des technologies qui sont utilisées dans l'espace. On parle de notre rover Perseverance. Évidemment, c'est des technologies informatiques qui proposent beaucoup plus de redondance et qui sont d'ailleurs probablement moins performants que les gros processeurs qu'on a sous nos machines pour éviter ce genre de problème. Bah ouais, pour le coup. Un point quand même qui m'étonne là aussi, j'essaye de faire mon malin à chaque fois, mais je suis étonné par contre dans cette démonstration que Microsoft n'ait pas une politique de surveillance de sa marque, de ses marques et de son identité plus exacerbée. Pour avoir travaillé un petit peu ce sujet, il est assez courant qu'on puisse confier une marque à un acteur, il y en a plein d'ailleurs qui font ça, et eux se chargent de surveiller, alors soit de protéger un certain nombre de noms de domaines qui sont différents d'un caractère, ou qui sont capables de nous alerter si jamais justement il y a un nom de domaine qui est déposé avec un caractère d'écart, parce que ça ferait cher le dépôt de tous les noms de domaine avec toutes les variantes de caractères possibles, mais de nous alerter. Et là je suis un petit peu étonné que Microsoft n'ait pas pu voir le truc arriver plus vite et réagir par rapport à cette démarche que faisait le chercheur. On va continuer un petit peu à parler de Microsoft. On va mettre une petite couche d'espionnage sur tout ça, Guillaume. Mais oui, l'espionnage et tout ça, c'est le truc. Alors, SolarWinds, on connaît, hein, ça n'en finit plus. Donc, on rappelle une centaine d'organisations infectées, probablement plein d'autres, hein, via Orion, entre autres. Donc, une attaque historique, hein, dont les victimes mettront jusqu'à 18 mois pour s'en remettre, hein, selon Brandon Wales. En particulier, les sites institutionnels, mais pas que. Surtout que ça continue. En fait, non seulement ce qu'on désigne par commodité, hein, à défaut de justesse, comme l'attaque SolarWinds, n'est pas terminée, elle continue. Et puis, quand t'as des espions dans tous les recoins du système et que tu essayes de nettoyer en même temps, c'est compliqué, d'autant qu'il est impossible de connaître l'ampleur réelle du truc. Et comme si on avait passé, avec les Russes, donc, qui sont censés être responsables de cette attaque, et qui d'ailleurs conjointement sont en train de promouvoir leur vaccin Sputnik et de répandre de l'infox sur les nôtres, ben on aurait aussi les Chinois. Parce que figure-toi que lundi dernier, SecureWorks a révélé qu'un groupe chinois aurait aussi attaqué les outils SolarWinds parallèlement aux Russes. Donc ils ont baptisé le groupe Spiral. Donc une nouvelle qui arrive juste au moment où Microsoft s'est fait attaquer, mais alors tout azimut, par Hafnium, un groupe de hackers d'État, apparemment un hacker sponsorisé par l'État, donc de très grande ampleur, qui a utilisé des nouvelles failles Zero Day pour attaquer les serveurs Mail Exchange. Donc l'estimation du nombre de victimes est passée à 60 000 le week-end dernier, dont la European Banking Authority. Donc quand même, voilà, il y a des grosses cibles. Donc Microsoft patch, mais bon, voilà, il patch assez tranquille, hein, puisqu'il patch deux mois après la première alerte, quand même. Mais bon, avec Hafnium, c'est le supplice de Tantal. Oui, je sais, ça fait rigoler que moi et deux chimistes au fond. Le Hafnium est un métal qui est juste à côté du Tantal dans la tableau périodique des éléments. Mais c'est pas grave. Je sors ? Non, je vais rester. Non, on te la laisse. Non, bien sûr, on te la laisse. Donc, parce que, voilà, donc en gros, il y a un problème, parce que quand tu publies des patchs pour combler des trous, les gens peuvent voir où sont les trous, du coup. Il suffit de regarder ce qu'il y a dans le patch. Alors, pour ceux qui patchent, c'est pas grave, mais pour les autres, évidemment, c'est un problème. Et des autres, il va y en avoir, parce que, voilà, il va y en avoir plein. Donc, il y a l'exemple d'Eternal Blue qui est parlant, hein. C'est une faille qui a été patchée en mars 2017. Et qui a été à l'origine d'une énorme campagne de ransomware. Et deux mois plus tard, il y a eu une grosse campagne comme ça, et en fait, cette faille était encore utilisable sur 1 million de machines 2 ans après. Donc, autant que les failles Hafnium, donc voilà, les ne sont pas mortes, hein, et les attaques continuent. Et donc, là encore, les espions sont dans la place. Donc, qui sait ce qu'ils ont pu trouver, qu'est-ce qu'ils ont pu poser, parce qu'ils ont pu placer des backdoors. Des backdoors qui ne seront pas refermées par le patch. Le patch va refermer les failles, mais par contre, s'il y a une backdoor, il restera. Donc la faille est comblée, mais le trou fait par les hackers va demeurer. Et depuis janvier, donc qui est le début d'Hafnium, c'est aussi 4 autres groupes chinois qui auraient attaqué les serveurs d'email Microsoft avec des centaines de milliers de victimes potentielles. D'autant qu'il est possible qu'Hafnium ait juste partagé son code, tout simplement. Donc ça en fait une autre campagne d'ampleur historique, qui est peut-être même encore plus importante que SolarWinds, et qui est loin d'être terminée. Et pourquoi un regain comme ça d'activité? J'ai cru voir que certains pouvaient miser sur une tentative de tester la nouvelle direction américaine de Joe Biden pour voir comment ça réagirait. Je suppose que non, mais moi je crois pas des masses. Hein. Je pense tout simplement qu'ils ont trouvé une série de failles. Ils les utilisent. Point barre. Hein. Je pense que c'est un hasard. C'est aussi simple que ça. C'est le rasoir d'Occam, c'est la, l'explication la plus simple qui est probablement la plus valable. On va terminer, Kassim, tu nous coupes quand tu veux, mais on va terminer cette rubrique avec un petit détour en Asie pour prendre un petit peu le pouls de Huawei, de voir un petit peu comment ils se portent, quelles sont les dernières nouvelles à ce niveau, mais pour parler un petit peu de Xiaomi qui avait été plutôt épargné par les directives américaines anti-entreprise tech chinoise, Guillaume. Ouais, c'est un peu étonnant, donc on s'y attendait un petit peu aussi hein, que Xiaomi allait être blacklisté par les États-Unis. Encore fallait-il trouver une raison, c'est chose faite. Hein. Ah, oui. Donc son fondateur. Pourquoi on va les bannir? Voyons voir. Écoute, là c'est parfait puisque ils ont trouvé dans le CV de Lei Jun, qui est donc le fondateur et CEO de Xiaomi, qu'il a reçu une récompense en 2019 dans son pays. C'est une récompense au prix au nom parfaitement improbable hein, puisque ça serait un truc comme formidable bâtisseur du socialisme avec caractéristiques chinoises. Bon. Je trouve ça classe. Oui, il faut garder à l'esprit que c'est la traduction d'une traduction, peut-être d'une autre traduction, donc bon. Enfin bon, en tout cas, ça vous dit sans aucun doute rien, mais c'est un prix qui est donné aux 100 entrepreneurs de l'année, et là, là, il est dedans. Et comme le prix est décerné par le MIT, le Ministry of Industry and Information Technology, et qu'il est donc responsable, selon les États-Unis, des partenariats armés civils, là, ça en est trop, voilà. Bon, et puis Xiaomi, il va aussi se diversifier, il veut aussi faire de la 5G, donc voilà, c'est trop, et de fait, bon, c'est encore un rebondissement hein, qui peu à peu change le paysage de la téléphonie mondiale. Bon, Xiaomi, c'est le troisième mondial, hein, mais qui est devenu le premier vendeur de téléphones en Chine? C'est qui, à votre avis? Xiaomi? Et non, c'est Oppo. Oppo a pris des parts de marché à Huawei, en fait, et Huawei est en difficulté, il se tourne d'ailleurs vers d'autres marchés pour essayer de rebondir. Des marchés très différents, puisqu'il peut savoir que c'est vidéo reconnaissance faciale, des technologies agricoles, et en particulier l'élevage de porcs. Et ouais, si, c'est véridique, hein, vous irez voir le lien, c'est incroyable. Kassim, ouais. Une petite observation sur ce qui se passe en Asie. Du coup, moi, j'aurais pensé au passage que ça se serait calmé ces décisions avec le changement de président. Force est de constater que c'était pas qu'une lubie trumpesque. Je pense que c'est parti un peu d'une lubie trumpesque, mais que maintenant que la porte est ouverte, je pense qu'il y a matière à exploiter. Ça se forge. Enfin, c'est quand même une lubie qui s'est forgée sur un vrai conflit entre guillemets commercial entre les Américains et la Chine. Et donc, c'est très pratique de pouvoir continuer. Biden a toujours dit qu'il comptait pas totalement revoir cette position. Ouais. Et d'une manière générale, il y a plusieurs positions diplomatiques qu'avait pris Trump qui sont perpétuées par l'administration Biden. Mais pour revenir sur les marques, oui, à partir du moment où Xiaomi avait annoncé qu'il voulait se lancer dans la 5G, mais dans le sens se lancer sur l'équipement réseau 5G, les technologies 5G. Les trucs qui font peur aux États. Forcément, voilà, les États-Unis, ils sont un peu flippés de ça. Je suis toujours un peu partagé sur cette facilité qu'ont les États-Unis à bannir des concurrents pour un marché, enfin pour un État qui se veut pro libre échange et libre concurrence, je suis toujours un petit peu partagé. Je comprends les interrogations sur la sécurité et sur l'espionnage qu'il peut y avoir, elles sont parfaitement légitimes, je pense. Mais voilà, je suis toujours un petit peu partagé quand on a un peu l'impression que ça cible des marques qui pourraient faire de l'ombre à des marques américaines. Et que pourtant, je croyais les États-Unis être une terre du capitalisme où chacun pouvait y faire sa place, tu vois. Cassim, enfin, mais non, voilà. Exactement. mais du coup, c'est intéressant de voir l'évolution là-dedans, à travers tous ces conflits de Oppo, qui est une marque qui grandit beaucoup. Moi, c'est celle sur laquelle je misais dès le début, quand Huawei s'est fait dégager du marché européen, là, enfin. A eu des difficultés depuis son bannissement par les Américains et qu'il ne profite plus du Play Store. Je pariais beaucoup sur Oppo parce qu'ils ont depuis longtemps dans leur ADN ce côté haut de gamme qu'avait Huawei justement sur son marché, d'être capable d'aller rivaliser avec les meilleurs Samsung et les meilleurs iPhone avec leurs smartphones. Et en même temps, par des sous-marques, ils arrivaient à se faire une place sur le milieu et l'entrée de gamme. Et je trouve ça intéressant de voir le parcours de Oppo qui grappille des parts de marché comme ça là où Huawei était présent auparavant, donc à voir où ça évoluera. Oppo est pas du tout présent à ma connaissance sur les marchés un peu de technologie, sur la 5G et compagnie, donc ils évitent tous les problèmes pour le moment, je pense qu'ils auraient bien raison de garder cette stratégie. À voir, quoi. Chez Frandroid, Oppo, les smartphones Oppo, ils sont perçus globalement comment? Est-ce que c'est des bonnes alternatives aux produits Huawei? Est-ce que c'est quoi l'image type qui vient quand on se dit, tiens, je vais tester un produit Oppo? Moi, j'avais en tête l'innovation d'Oppo pendant un temps, mais c'était il y a des années, avec la caméra qui se retournait déjà, tu sais, mécaniquement pour faire à la fois selfie et photo arrière. Pour moi, ça a toujours été un peu la marque un peu bizarre, mais je sais pas. Ils adorent être les premiers sur telle ou telle techno et être les premiers. LG chinois, mais qui font ça proprement, non? Mais pour répondre très simplement à ta question, le Oppo Find X2 Pro, donc qui est leur haut de gamme de 2020, a été élu smartphone de l'année par la rédaction de Frandroid. Donc, ils font des plutôt bons produits. Effectivement. Ils ont vraiment grandi ces dernières années et ils ont vraiment créé des bonnes alternatives à ce que peut faire Apple ou Samsung. Et dernièrement, ils ont assez bluffé. Alors moi, je l'ai pas vu en vrai, mais tous les gens qui l'ont vu en vrai ont été plutôt bluffés. Chez nous, c'était Omar qui ont pris en main le Oppo X 2021, donc ce smartphone qui a un écran qui s'enroule pour faire concurrence au smartphone pliable de Samsung. Donc qui s'enroule et se déroule. Donc tu as un smartphone en main à l'allure somme toute normale premier abord. Et en fait, en cliquant sur un bouton, l'écran se déploie et ça devient une tablette dans tes mains. Sans la marque au milieu, sans la pliure, sans tous ces problèmes-là. Donc ça avait l'air assez bluffant. On en avait brièvement parlé, c'est vrai que ça promet, hein, il faudra surveiller ça de près. Moi, j'arrête pas de me dire qu'est-ce qui se passe si jamais je déclenche par mégarde dans ma poche le déroulage d'écran, mais je pense que je cherche trop la petite bête. Il y aura des comédies font ça, je pense très bien, des films comédie, il y aura des situations rigolotes sur ça, j'imagine. Oh, j'imagine qu'il y a des sitcoms qui vont s'emparer de ce type de technologie aussi, et c'est de bonne guerre. On va laisser ça de côté, on attendra de voir ça de plus près. On va passer à une autre rubrique, là où Guillaume a collectionné une série de news qu'il a rassemblée sous la thématique de « faut pacifier ». En gros, peut-être qu'il faut prendre un petit peu avec du recul ce qui est affiché. On va commencer par ce qui se passe en Chine, évidemment, c'est une transition toute trouvée autour notamment de la surveillance qui se passe auprès des citoyens en Chine, Guillaume. Ouais, bah, des débouchés dans la vidéosurveillance, il y en a. Hein, en Chine, il n'y a pas de problème. On imagine bien, d'ailleurs, que les grandes villes chinoises sont toutes équipées, sont même suréquipées de caméras couplées à de la reconnaissance faciale. Après tout, ils ont leur bouclier d'or hein, qui les protège des influences extérieures néfastes sur Internet, mais aussi Safe Cities et Skynet, depuis 2003, hein, qui sont des programmes de surveillance / reconnaissance faciale qui ont abouti à avoir aujourd'hui, à pouvoir aujourd'hui en fait scanner la totalité de la population chinoise avec une précision de 99,8%. C'est eux qui le disent, ce sont les chiffres officiels. Bon, en fait, si on conçoit que les villes soient high-tech comme ça, on peut se poser la question pour les campagnes. Et en vrai, la Chine, c'est énormément de campagnes, de villages, évidemment. Mmh. Et on se dit que là-bas, ça devrait être plus peinard. Hein. Ben, pas du tout. Et après une expérimentation en 2013, il y a le programme Sharp Eyes, qui a été lancé 2 ans plus tard, avec une ambition de couvrir 100% de l'espace public chinois, y compris les zones les plus reculées, et ça en 2020. Donc Sharp Eyes, c'est comme Sharp Eyes, donc c'est comme dans la citation de Mao, hein, « People have sharp eyes », c'est-à-dire le peuple a les yeux acérés. Et en effet, c'est participatif, c'est ça qui est marrant. Donc les gens peuvent voir le flux des caméras, ils peuvent zapper en fait sur les caméras de leur zone via un boîtier spécial chez eux, et bien sûr, il s'est fourni avec un bouton pour appeler la police en cas de besoin. Donc on pourrait penser que la population serait frileuse un petit peu à l'idée non seulement de la vidéosurveillance partout, mais en plus de tout le monde. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Les zones rurales, elles sont souvent sous-dotées en matière de police. Les effectifs peuvent être dérisoires, hein, comme dans le Pingyi, qui est un comté qui compte près d'un million d'habitants et qui a 300 policiers. Bon, ça fait pas beaucoup de policiers, donc Sharp Eyes, c'est un moyen de remédier au problème, quelque part, puisque la police peut pas être partout, mais les gens, eux, ils sont déjà là. Donc ils peuvent signaler les problèmes, et pas seulement les délits d'ailleurs, hein, les accidents aussi. Et ça, apparemment, c'est un bon argument, puisque tout ce matos, c'est quand même cher, alors c'est en grande partie payé par le gouvernement central, mais dans certains cas, où c'est trop juste, la population se cotise, même, pour avoir une couverture totale. Donc dans la ville de Linyi, les résidents ont levé l'équivalent de 2 millions de dollars, quand même. Donc il y a une vraie demande, hein. Sharp Eyes, c'est aussi la promesse d'une sécurité que beaucoup n'ont pas encore. Donc évidemment, la surveillance n'est pas vécue ni menée de la même manière partout, hein, puisque un mec vit hein, qui équipe en intelligence artificielle les caméras du pays entier, fournit aussi bien de quoi fliquer les Ouïghours, hein, dont le traitement est indigne évidemment, mais Voilà, SharpEyes, en tout cas, bah, c'est implémenté, c'est sans doute très proche de l'objectif de 100% d'ailleurs, qui s'était fixé au dernier plan quinquennal. Donc pour les 5 prochaines années, le plan c'est, je cite, hein, « toujours plus de pouvoir local et de contrôle social, et aussi la répression de toute forme de séparatisme ou de subversion ». Bon, voilà, bah, en fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? La vie privée n'a pas ni le même sens, ni la même valeur pour tout le monde. Ouais, très intéressant cette démarche participative et du coup active qui obtient pas mal de succès, en tout cas suffisamment pour que ça fonctionne a priori. C'est souvent dans Tech Café, moi, qu'on pointe du doigt des différences fondamentales de fonctionnement sur la tech et sur la société entre la Chine et les pays plus proches de nos civilisations, de notre culture, on va dire. Et je pense qu'il faut garder à l'esprit que voilà, autre univers, autre besoin, autre culture amène à d'autres pratiques et c'est hyper intéressant de les suivre. Il y en a un qui a choisi de moins épier les gens qui passent sous son radar, c'est Google qui va changer fondamentalement la façon dont le tracking est fait, grosso modo, pour nous distribuer des publicités, Guillaume. Ouais, le tracking personnalisé pourra vivre ces derniers mois, en fait, puisque Google va passer à des méthodes un petit peu différentes ils vont essayer d'agréger, si tu veux, les données, et finalement juste de regarder des cohortes, donc des cohortes de gens semblables. Donc au lieu de regarder des gens, ils regardent des cohortes de gens dans lesquelles les gens ont un comportement semblable, et en fait ils ciblent les cohortes. Donc ça change pas forcément grand chose, sauf que évidemment à l'intérieur des cohortes, les gens sont anonymisés. Du coup, c'est plus un tracking. Fait oui. Beaucoup Facebook d'ailleurs, hein, il propose beaucoup de ciblage, Guillaume, dans Facebook, les technologies type lookalike, c'est en gros tu prends un bassin d'utilisateurs sur Facebook et tu vas aller proposer à des annonceurs de cibler d'autres utilisateurs qui grosso modo ont les mêmes comportements, les mêmes centres d'intérêt. Je trouve ça plutôt intéressant dans l'absolu. Oui, mais ils continuent à pister chaque internaute individuellement, il me semble, pour constituer leur base de données de cohorte. Ah oui, bien sûr, c'est individuellement tu reprends les critères. Oui, bien sûr. Le but justement c'est de pister les gens anonymement, de les regrouper en cohorte de manière anonyme en fait, c'est-à-dire que les données sont agrégées, anonymisées, et après les annonceurs n'ont plus accès aux cohortes en fait, qu'aux données des cohortes. Oh bah, c'est le cas sur Facebook, hein. T'as pas accès aux individus en tant que tels, t'as accès juste à un bassin de ciblage. Oui, d'accord, je me suis mal exprimé, je pense, mais Facebook non plus n'a pas accès aux données individuelles. Google n'aura plus accès aux données individuelles, il aura juste accès aux données des cohortes. Et après, c'est ça qu'ils vont utiliser pour les annonceurs. Je crois que c'est aussi un principe que Google avait déjà commencé à appliquer sur certains de ses services, mais pas pour de la publicité, plutôt pour, par exemple, améliorer ses algorithmes d'intelligence artificielle sur de la reconnaissance de voix, par exemple, plutôt qu'exploiter individuellement chaque reconnaissance, et pour améliorer son algorithme, il anonymisait, il groupait des éléments pour ensuite les exploiter en groupe plutôt qu'individuellement. Donc je pense que c'est aussi ce travail-là qui a dû donner naissance, faire évoluer vers cette notion d'une nouvelle forme de cookie, entre guillemets, mais voilà, par cohorte. Qui est une direction hyper évidente vu le sens de l'histoire de la tech. Les gens cherchent de plus en plus évidemment à protéger leur vie privée. C'est un axe fort et qu'on sait que Apple s'en est évidemment emparé. Et j'imagine pas à quel point c'est un move important pour une entreprise comme Google qui fait énormément, massivement du business autour de la publicité et autour du coup du ciblage pour offrir capacités de diffusion de publicité de manière la plus fine possible. Ils n'ont pas intérêt à se rater, mais je pense qu'ils en sont évidemment très conscients. Toujours dans la veine justement du ciblage, on parlait de Facebook, on va en parler encore un petit peu, Guillaume, avec leurs actions autour des publicités politiques qui avaient été suspendues. Elles reviennent en fait. Hein, donc Facebook, donc les pubs politiques ne sont plus bloquées sur Facebook aux États-Unis. Hein, donc parce que les élections c'est fini, les soucis au Capitole c'est loin, tout ça. Donc on a eu du feedback, on va faire ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Bon, Google avait remis les pubs en décembre, puis les avait revirées le 6 janvier, puis là lui aussi les remet. Bon, le Capitole c'est vraiment loin, apparemment faut tourner la page. Mais bon, attention, hein, c'est pas vraiment eux en fait, hein, puisque les démocrates et les républicains critiquaient le ban de Facebook. Ouais, moi j'ai toujours du mal avec les pubs politiques, mais bon, enfin c'est aussi culturel ça. Ouais, c'est très culturel, effectivement. Très installé aux États-Unis. On va parler un petit peu d'Apple parce qu'on avait déjà parlé la semaine dernière de décisions politiques dans des États américains qui pourraient peut-être en partie amener à une remise en question des éléments dont on a déjà parlé, hein, de leur modèle de distribution et des exclusivités, notamment dans les paiements. C'est du côté de quel pays ça se passe, Guillaume, cette fois-ci ? Du côté de l'Arizona, en fait, du côté d'un État. Donc l'Arizona vient de faire passer un amendement à sa loi, la très joliment nommée HB 2005, qui pourrait empêcher les App Store de forcer un développeur à utiliser un système de paiement spécifique. En tout cas, s'il est arizonien, on dit comme ça, hein, j'ai vérifié. Donc ça concerne tous les utilisateurs, donc arizoniens ou arizoniennes, qui ne devront pas être forcés à payer en utilisant un moyen de paiement unique. Mais ça ne concerne pas les consoles, bizarrement. Enfin, bizarrement, mais considère que c'est des machines à fonction spécifique. Donc, et ça aussi concerne aussi seulement les stores affichant plus d'un million de téléchargements, je suppose, annuels. Donc c'est passé juste à 31,29, mais c'est passé, et si ça vous rappelle le cas Epic Apple, bon, c'est pas un hasard. Hein. Alors certains démocrates de l'État s'émeuvent, hein, que la puissance publique se mêle de cette affaire. Il flippe un petit peu, parce qu'on sait qu'Apple peut forcer n'importe qui à montrer n'importe quel document. On l'a vu faire, c'est assez flippant. Donc malgré un lobbying qu'on imagine très actif, hein, Apple et Google sont évidemment un petit peu désappointés, ils n'ont pas encore réagi. Et on imagine qu'après un lobbying... qu'on imagine aussi très actif, Epic, Match et tout le CAF sont en train de sabrer le champagne, donc c'est une bataille de gagner en tout cas. Ouais, faut pas qu'ils boivent trop vite, parce que ça change vite par les temps qui courent, ces sujets-là, effectivement. Moi, je sais que c'est quelque chose que tu appelles de tes voeux, Kassim, à titre personnel, une meilleure régulation autour de la distribution, comme ça, sur notamment les App Store. Je comprends pas trop cette particularité des jeux vidéo, tu l'expliques, toi, de ton côté ? Non, pas vraiment, en fait. Moi, je m'explique vraiment pas vraiment. Hein. Qu'est-ce qui fait que dans la loi, ils ont dit bon, ça concerne en gros ces entreprises-là. Bon, par contre, non, les distributeurs de jeux vidéo, on va les mettre de côté. Je comprends pas, moi. Ben, disons qu'après, ça fait vraiment partie du modèle économique dans le jeu vidéo. Ça a été intégré depuis longtemps, notamment pour les consoles. Je pense qu'on peut y trouver une explication de ce côté-là par rapport au modèle économique. Un iPhone, tu l'achètes, il n'est pas vendu à perte par Apple. Clairement, alors qu'une console de jeu est souvent vendue à perte par son fabricant, et c'est sur les 30% que le fabricant espère se refaire de l'argent, donc sur les commissions qu'il prend sur la vente de jeux sous licence c'est pour sa plateforme. C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'avais pas du tout en tête le fait que les consoles étaient vendues à perte, de là à ce qu'ils fassent pas forcément beaucoup de bénéfices pour se reprendre après sur la vente de jeux et la distribution, je l'imaginais évidemment, mais je pensais pas que ça pouvait être potentiellement à perte, c'est fou ça. Si, en particulier au lancement d'une génération, mais ça peut des fois... Ouais. Par exemple, sur la PlayStation 3, Sony avait mis beaucoup de temps à être à l'équilibre avec sa PlayStation 3. Okay. Quand ils en vendaient une. Au début, ils perdaient quand même des centaines de dollars par exemplaire vendu. Hein. Donc, c'était beaucoup. Et donc, c'est sur la vente de jeux, vraiment, oui, où ils essayent de se rattraper. Alors, aujourd'hui, le marché a évolué. Il y a le business model a aussi évolué. Par exemple, il y a beaucoup de formes d'abonnement, que ce soit chez Xbox ou chez PlayStation. Il y a une énorme part de revenus qui vient de cet abonnement et qui vient des plateformes dématérialisées où la commission est plus élevée que sur la vente de jeux en physique. Mais vraiment, le cœur du modèle économique, ça reste cette idée de on te vend à perte, un peu comme on te vend à perte une imprimante ou un rasoir au départ. Ouais. Et c'est sur les lames ou sur le consommable, voilà, qu'on va se faire l'argent. Je pense que c'est peut-être de ça que vient cette exception aux jeux vidéo, là où un Apple ou un Google, évidemment, c'est pas du tout le même modèle économique, quoi. Ouais, explication retenue, j'y souscris en tout cas, j'y souscris. Il faut qu'on parle aussi, pour terminer évidemment avec une rubrique faut pacifier, ça avait toute sa place, de Tom Cruise qui a fait forcément l'actualité des stories, et alors fallait pacifier, c'était pas vraiment Tom Cruise, Guillaume, qui faisait des tours de magie ? Écoute, non, mais on n'a pas eu le temps d'en parler la semaine dernière, mais finalement c'est tant mieux, parce qu'on a plus d'infos cette semaine, hein, sur ce qui a affolé TikTok et le web entier, hein, c'est un Tom Cruise super profond, qui fait des trucs avec une pièce, qui mange une sucette et qui se casse la gueule dans une boutique. Parce qu'évidemment, comme le pseudo Deep Tom Cruise le dévoile immédiatement, hein, c'est pas Tom Cruise, c'est un deepfake particulièrement réussi. C'est vrai qu'il est très naturel, le fantôme bouge dans des environnements variés, hein, il a des expressions variées, il a des accessoires, il enlève des lunettes, il bouge de manière très naturelle, quoi. Et le tout sans... Il passe la main devant son visage, quoi. C'est... Complètement, et le tout sans gros artefacts, hein, sans rien, pour repérer immédiatement qu'il s'agit d'un deepfake. C'est toujours détectable, hein, s'il faut être vraiment attentif. En fait, il a même dupé des algorithmes de détection spécialisés. Donc c'est des deepfakes longs et de très bonne qualité, hein, qui ont fait se demander à certains si la fin du monde n'était pas arrivée. Après tout, si on peut plus se fier à Tom Cruise, qu'est-ce qui nous reste, quoi? C'est vrai, franchement. C'est clair, reste plus rien. Bon, bah, en tout cas, Vice nous a apporté un petit peu plus d'infos depuis sur cette vidéo, hein. Ce Tom Cruise, c'est l'œuvre d'un Belge qui s'appelle Chris Hume, et c'est Tom Pro, en fait. C'est un pro des effets spéciaux. Il a même toute une équipe de pros, c'est la Deep Voodoo Studio, qui sont en fait derrière les deepfakes qui sont vus dans Sassy's Justice, l'émission de Parker and Stone dont j'avais parlé, hein, et dont c'est tout à fait le principe. Donc l'acteur est numériquement maquillé en Tom Cruise, bah, c'est aussi un pro, c'est Miles Fisher, donc c'est un acteur de TV. Il avait déjà joué un rôle de parodique de Tom Cruise dans Super Hero Movie, et il a un petit peu la même tête, c'est pas vraiment un sosie, mais il lui ressemble un peu, évidemment. Et donc c'est lui qui avait joué aussi dans un faux spot de pub de 2019, où Tom Cruise se présentait à la présidentielle. Donc c'était Chris Hume qui était aux commandes déjà, et il y a un making-of sur YouTube, si vous voulez voir. Donc on voit vraiment que c'est du travail de pro, hein. Miles joue le rôle le mieux possible déjà, après il y a des calques mobiles pour le visage, les yeux sont ajustés au mouvement, donc Tom Cruise court dans le clip, hein. Et d'ailleurs c'est la plus grosse difficulté, puisque les deepfakes de base, bah, ils marchent que sur des plans très fixes, quoi. Là il y a vraiment, c'est très dynamique, donc la colorimétrie est ajustée, la lumière aussi, les yeux, c'est assez compliqué en fait, hein. C'est compliqué, bah, comme des effets spéciaux de film, parce que c'est ce que c'est, tout simplement. Et finalement, Internet s'est enflammé pour quelque chose qui se fait déjà depuis longtemps. Je rappelle que Paul Walker est mort avant la fin de Fast and Furious 7 et que son frère a été retouché numériquement par Weta Digital pour prendre sa place. Et on y voit que du feu, et tout ça, ça date de 2017. Donc à l'époque, c'était de la modélisation 3D, mais le fait que le cinéma puisse faire l'équivalent du deepfake ou du gros deepfake depuis un moment, si on y met les moyens et la technique, bah, c'est pas très étonnant. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur TikTok. Comme c'est sur TikTok, évidemment, on pense que c'est des vidéos qui sont faites en 30 secondes par des ados en pyjama. Parfois, c'est vrai d'ailleurs, mais parfois pas forcément. Donc si vous voyez si vous avez un sosie de Tom Cruise qui est un acteur pro de surcroît, hein, et une équipe d'effets spéciaux avec beaucoup de fric, bah oui, vous pouvez faire 30 secondes de vidéo Tom Cruise où il fait n'importe quoi et c'est pas ultra nouveau en fait. Bon, est-ce qu'on peut faire Biden et Poutine qui jouent à Mario Kart? C'est vrai, mais ce serait cher et pas n'importe qui pourrait produire un clip crédible par contre, pas encore. Moi, c'est ce qui m'avait gêné déjà à la base avec était monté justement en popularité là ces dernières semaines. Ce qui m'avait gêné, c'était le fait qu'il y avait aucune explication autour de la vidéo de comment elle avait été faite, quel algorithme avait été utilisé, à quoi ressemblait la personne à la base, etc. C'est justement des points sur lesquels je m'interrogeais, justement parce que il y avait tellement de mouvements et tout ça que ça me semblait probable que, par exemple, déjà, l'acteur jouait déjà le rôle avant même le deepfake, tu vois. Et, par exemple, se passer la main devant les cheveux et tout, bah, c'est l'acteur qui fait ça, en fait, avant le traitement par le deepfake. Et puis, sur les exemples que tu donnais de l'industrie du cinéma, je citerai aussi Marvel, avec leur rajeunissement d'acteurs, que ce soit Robert Downey Jr. ou surtout Samuel Jackson dans Captain Marvel, où ils le font rajeunir pour qu'il soit crédible des années 90. Ouais, il y a Jamie Neiman aussi. Il y a Jamie Neiman aussi, Will Smith s'affronte lui-même jeune. Oui, voilà, donc il y a eu quelques tentatives, voilà, et quand t'as le budget, il y avait Schwarzenegger aussi dans Terminator. Donc il y a eu beaucoup de tentatives dans ces trucs-là ces dernières années. Il y a Wolverine dans Logan. Maintenant, ça y est, mon cerveau est parti en mode exemple. avec l'augmentation du budget et l'arrivée de ces technologies-là, je pense que oui, Hollywood va pouvoir bien s'amuser. On se fait souvent peur avec Deepfake sur ce que ça peut vouloir dire pour l'actualité, les fake news et tout ça. Allez, peut-être que le côté réjouissant justement de cette technologie, c'est de imaginer ce qu'on va peut-être pouvoir inventer côté Hollywood pour créer encore des scénarios encore plus impressionnants dans nos films. En fait, cette actualité, elle est hyper intéressante parce qu'elle permet de définir un petit peu mieux ce qu'est un deepfake. Et finalement, si un deepfake consiste simplement, évidemment, je mets des gros guillemets derrière simplement, à créer des choses convaincantes alors qu'elles sont pas vraies, avec des ressources virtuellement illimitées et très variées. Bon, bah, en fait, le cinéma a pas attendu 2020, 2021 pour proposer ce genre de choses. Pour moi, le deepfake, c'est un petit peu plus accessible que ça et demande peut-être moins de contraintes. Et c'est pas parce que c'est une story qui est diffusée et relayée sur les réseaux sociaux, qu'il faut vous imaginer que c'est forcément du deepfake pur et dur. La nuance était intéressante, on a bien appris avec cette news, et c'est bien effectivement qu'on ait pu la traiter dans un second temps de manière un petit peu plus affinée. On va passer à une autre rubrique, on va aller parler encore un petit peu d'innovation, parce que il fallait absolument qu'on parle de la dernière action du côté d'Elon Musk avec Starship qui s'est envolé, qui s'est reposé, qui certes a explosé un petit peu après, mais qui a quand même progressé dans son évolution technologique, Guillaume. Oui, il a un petit peu explosé, effectivement. Tout petit peu. Ouais. Mais en après, fait, quoi. Ouais, après, c'est pour ça que finalement, ouais, il a progressé, même pas mal. Donc, parce que, ça compte un peu, mais ça compte pas trop. Non, mais c'est vrai, ça compte quasiment pas. On avait quand même souligné dans Tech Café, moi, c'est l'enseignement fort que je gardais et que les gens ont retenu, c'est que même si ça explose, il faut se rendre compte qu'il y a des progrès et des apprentissages. Oui. Donc, le truc, il explose après, c'est quand même de mieux en mieux. Mais oui, c'est de mieux en mieux, puisqu'il est quand même monté sans ce SN10, là, il est quand même monté sans problème vers 10 bornes d'altitude. Il a coupé ses moteurs, bon après il est tombé comme une bouse pendant un moment, et hop, à la différence d'une bouse, ses moteurs se sont rallumés, et il s'est remis droit, bien, bien comme il faut, il s'est posé tout en douceur, voilà, fièrement sur le plancher des productrices de bouse. Donc tout ça aurait été formidable effectivement si 10 minutes après, et pour une raison qui est pas encore vraiment très claire, il n'avait pas explosé tout seul. Bon, on accuse déjà une valve de méthane, hein, les valves c'est compliqué. Franchement, ça aime pas trop les changements de température, hein, surtout quand c'est cryogénique. Bon, c'est pas au point, mais tout de même, les moteurs se sont remis en route avec la bonne poussée différentielle pour remettre le machin d'aplomb. Ça s'est posé sur sa petite papatte, lesquelles d'ailleurs devront sans doute être revues et consolidées, hein, mais rien que ça, c'est déjà pas si mal. Donc, si les SpaceX y sont contents, dans 3 semaines, de toute façon, ils auront un SN11 avec lequel faire joujou et des nouvelles valves. Donc, SpaceX est toujours en route pour les étoiles, hein, voilà, vers l'infini et au-delà. Musk a même annoncé la construction d'une ville entière qui s'appelle Starbase et qui sera plus grande que Boca Chica autour de son secteur spatial. Donc, Starbase sera une source d'expansion, en fait, de Boca Chica, hein, et bon. Que le secteur géographique change avec l'essor de SpaceX, finalement, en soi, c'est pas si surprenant. Mais bon, comme c'est Elon Musk, ça va avec son lot de trucs qu'on sait pas trop à quel degré prendre, puisque bon, Starbase serait dirigé par un Doge, alors un Doge, ou un Dog, ouais, je sais pas, un Doge comme à Venise, c'est what the fuck. Ou alors, est-ce que c'est une allusion au Dogecoin, tu vois, Starbase sera-t-elle la première ville à adopter le Dogecoin comme monnaie? Est-ce qu'elle sera dirigée par un chien cyborg? Probablement, ou pas. En tout cas, bon, Elon confirme que son implantation au Texas est vraiment confirmée, quoi. Il y a une nouvelle usine qui est prévue à Austin. Il y a un centre de test à McGregor, déjà. Et d'ailleurs, justement, avec la vague de froid qui a eu des grosses répercussions, hein, sur l'État, Elon se prépare à pallier à de futurs soucis, apparemment, puisqu'il construit dans un relatif secret. Relatif, hein, sinon je pourrais pas vous en parler. Une batterie géante de 100 mégawatts à Angleton, au sud de Houston. Donc voilà, de quoi pallier aux futurs éventuels blackouts, hein, pour cause de froid, ou de chaud, ou de mauvaise humeur, hein, de la grille texane. En tout cas, voilà, pour ces usines à lui, hein, qui sont de plus en plus nombreuses. Et puis d'ailleurs, si on finit avec SpaceX, Starlink veut aussi connecter en mobilité. Voilà, cette fois, Starlink, avec l'Internet par satellite, pourrait atterrir sur les avions, les bateaux, les gros camions. C'est en tout cas ce qui a été demandé à la FCC. Donc voilà, un routeur Starlink, c'est $500, plus $100 par mois pour une centaine de mégabits par seconde. Et c'est quand même une broutille pour connecter ton yacht. La stratégie est très clairement écrite, en tout cas. Au passage, pour Starship, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui est filmée de l'intérieur de la foule des ingénieurs, j'imagine des salariés SpaceX qui assistent à l'atterrissage, mais qui sont fous, quoi. Enfin, franchement, c'est galvanisant de s'imaginer dans leur situation. Alors, peut-être qu'ils font ça à chaque fois, hein, à chaque fois qu'il y a un lancement, mais enfin là, on les sent vraiment hyper enthousiastes. C'est vraiment chouette à voir, je trouve. C'est des jolies choses. Kassim, je sais pas si les actions d'Elon Musk de cet épisode t'inspirent quelque chose. Peut-être que tu as hâte de connecter ton mobile partout dans un avenir lointain avec les satellites d'Elon Musk, non? Les actions Elon Musk m'inspirent pas grand chose que un peu de déni. Voilà, mais ces entreprises, par contre... Du déni, attends, c'est du déni de Kassim pour Elon Musk, ou c'est oui, quoi? Enfin après, non, parce que Elon Musk est quand même un personnage assez horrible. C'est le fureux. Mais par contre, après, ces entreprises sont très cool à suivre, et moi j'aime, enfin SpaceX, j'ai très hâte qu'on colonise Mars et tout ça, hein, donc j'ai hâte de voir ça, mais oui, les l'attitude de diva de un peu de Elon Musk, par contre ça me passe un peu au-dessus, quoi, mais bon. Bon, c'est normal, c'est peut-être le sentiment est largement partagé quand on n'est pas admiratif de ce qu'il propose. Alors, est-ce qu'il y a un sentiment de diva derrière Jack Dorsey aussi, oui, qui est le les deux vont bien qui est derrière ensemble. Twitter, justement, l'enchaînement est parfaitement trouvé, à croire que cette émission a été encore une fois savamment orchestrée sur ces enchaînements, qui, en gros, va aller vendre son tweet anti-lunatique, enfin vendre, avec des gros guillemets, Guillaume. Un peu, enfin, je sais pas. C'est vrai qu'on vit des temps troublés, qu'on vit une période de crise, tu vois, c'est vrai, et dans ces périodes exceptionnelles, on prend conscience de ce qui est essentiel. La vraie valeur des choses. Tous ces services dont on peut se passer, voilà, la vraie valeur des choses, tu vois, ce qui fait le fondement même de notre société, de notre civilisation. On prend conscience de l'importance fondamentale, voilà, de tous ces métiers invisibles dans notre quotidien confortable de jadis. Finalement, des périodes comme celle-ci nous permettent aussi de grandir, tu vois, nous ouvrons les yeux sur nos fragilités, sur celles de tout ce que nous considérons comme acquis. Dans ce contexte, il est donc logique de voir des tweets achetés à plus de 2 millions de dollars, le Nyan Cat à un demi-million, des mèmes Reddit à plusieurs milliers de dollars, et même des gifs animés Taco Bell qui s'arrachent comme des burritos tout chauds sur en NFT, bien entendu, tout ça sur la blockchain Ethereum. Est-ce que c'est pas réconfortant, finalement, hein, le fait que trop de gens aient trop de pognon à dépenser dans n'importe quoi, le fassent de manière incroyablement frivole, en achetant un fragment de titre de propriété dont tout le monde se fout pour des œuvres que tout le monde a vues mille fois et peut télécharger avec son clic droit de souris? Est-ce que ça démontre pas la résilience à toute épreuve de la nature humaine, tu vois? Le fait qu'il le fasse par pur esprit spéculatif, en plus, hein, en se foutant complètement des implications écologiques du truc, est-ce que ça nous montre pas l'inaltérable constance de notre psyché, tu vois? Est-ce que c'est pas rassurant de savoir que même après un effondrement, même de retour dans des huttes en torchis, en mode post-apo, on restera vraiment toujours les mêmes? Là, au moins, on peut compter là-dessus. Ça fait effectivement démonstration de cohérence dans les sujets tech qu'on couvre dans Tech Café. On parle un petit peu de composants, Guillaume, alors sans faire une chronique des composants digne de ce nom, mais c'est peut-être intéressant de se pencher un petit peu sur ce qui se passe du côté d'AMD, TSMC. Oui, on parlait des CMP d'NVIDIA la dernière fois, pour parler de crypto, donc ben, voici évidemment cette semaine qu'il est question de cartes RDNA d'AMD pour miner des crypto-monnaies, donc des cartes en RDNA 1, donc une bonne manière de rentabiliser les architectures. Hein. Donc c'est encore des cartes castrées, sans unité vidéo ou affichage, et donc encore des cartes dont les gamers pourront rien faire après, hein, voilà, dans quelques mois, quand leur carrière à la mine sera terminée. Comme Nvidia, hein, voilà, il y aura sans doute des Navy 10, des Navy 12, qui donc seront destinés uniquement à miner des crypto-monnaies, et donc très probablement un bridage des cartes normales, comme chez le cache c'est Nvidia, hein, ça y a pas à en douter. Donc décidément, voilà, la demande des composants n'est pas prête de se réduire, hein, donc les carnets de commandes des puces 3 nanomètres, c'est-à-dire la prochaine génération, sont déjà pleins. Donc Apple travaillerait main dans la main avec TSMC, d'ailleurs, pour concevoir le 2 nanomètres dont il va bénéficier. On imagine en premier, hein, puisqu'il est sans aucun doute des premiers commanditaires du 2 nanomètre qui n'existe pas encore. Apparemment, il va falloir s'habituer, je pense, à voir Apple en pole position sur les process de TSMC, ça pourrait être un avantage conséquent. D'ailleurs, dernier mot sur Apple, hein, puisqu'on y est, d'après Min-Chi Kuo, donc on connaît bien Min-Chi Kuo maintenant ici, non c'est pas vrai, personne ne connaît Min-Chi Kuo, c'est un mec qui est très secret, mais qui balance toujours des trucs énormes sur Apple, alors bon, allons-y. Bah, parce qu'il est en droite ligne avec ceux qui fabriquent les produits d'Apple, donc bon, on imagine qu'il a des infos assez précises, ouais, sur ce qui va se passer probablement. Je crois qu'il travaille au DigiTimes, un truc taïwanais, effectivement, et bon, donc d'après lui, donc Apple va sortir des lunettes VR l'an prochain, des lunettes AR en 2025, et des lentilles de contact à réalité virtuelle, donc dans la décennie 2030-2040, c'est-à-dire à peu près au même moment où Elon sera élu Doge de Mars pour la seconde fois, à l'absence d'autres candidats, bien entendu. Moi, j'ai toujours dû... En fait, c'est marrant, mais à chaque fois que je vois des analyses... Alors oui, Min-Chi Kuo, ça fait partie des choses qui sont un peu plus intéressantes à suivre. Mais maintenant, quand je vois des rumeurs Apple, alors plus je vois la date, plus je mets de côté. Alors, je crois que je pourrais presque faire un script qui fait qu'à chaque fois que je vois réalité virtuelle, Apple et une date ultérieure à 2021, je pourrais ne pas lire tellement on voit tout et son contraire à ce sujet. Mais bon... Kassim, une dernière remarque par rapport à tout ça, je sais pas si ça t'inspire, que ce soit ces composants ou que ce soit les démarches d'Apple. Plein de choses dans le désordre, il y a deux choses qu'on n'a pas mentionnées et qui me semblent intéressantes à mentionner très rapidement. La première, c'est que visiblement Qualcomm travaille sur une réponse à Apple, on en parle à l'instant justement, au M1 d'Apple, donc pour les PC sous ARM, Qualcomm préparerait une puce beaucoup plus performante que ce qu'ils ont proposé jusqu'à présent. Malheureusement, ça reste à voir s'ils arriveront à faire quelque chose, des produits qui seront crédibles face à ce que Apple propose, parce que malheureusement, Qualcomm n'est pas Microsoft et Microsoft n'est pas Qualcomm, et donc c'est compliqué de créer un produit qui intègre aussi bien le hardware et le logiciel que ce qu'a proposé Apple avec ses premiers PC Apple Silicon. Et le... Ouais, il maîtrise pas autant de synergie que peut le faire Apple sur ses produits, forcément. Et la deuxième chose que je voulais mentionner, mais je pense que Guillaume a dû aussi le repérer, c'est sur que le site américain, oui, ils sont américains, AnandTech a réussi à mettre la main sur le tout nouveau processeur Intel, la nouvelle génération de processeurs Intel, donc la 11e génération pour PC de bureau, qui normalement ne devrait commencer sa commercialisation que dans un mois, mais il y a un commerçant qui l'a lancé trop tôt, et ils ont réussi à le repérer, et ils ont réussi à en acheter un, et ils ont réussi du coup à le tester avec un mois d'avance. Et les résultats sont plus que décevants. Enfin, disons que là, pour la déception, pour être surpris positivement ou négativement, faut attendre quelque chose. Voilà, quand on parle de déception, on fait toujours le rapport entre ce qu'on attendait et le résultat. Là, forcément, avec Intel, on commence à être un petit peu habitué et les résultats sont en retrait par rapport à ce que propose AMD, tout en consommant plus, tout en étant, tout en ayant plein de petits problèmes à côté. Ils arrivent à faire moins bien que AMD avec une puce qui consomme, qui a une enveloppe thermique de 125 watts quand même. Ils arrivent à faire aussi bien qu'AMD avec un processeur qui a 65 watts d'enveloppe thermique. Donc c'est pas terrible. Voilà, et puis pour revenir sur Apple très rapidement sur Ming-Chi Kuo, j'ai du mal avec les analystes qui prédisent le futur. Alors lui il a des plutôt bonnes informations, mais en général je l'écoute plutôt, comme tu le disais, pour les choses qui vont arriver pour là, l'année en cours ou l'année suivante à la limite. Ça c'est assez crédible. Après son métier c'est analyste, c'est pas forcément il fait pas forcément que des fuites, et donc quand il parle 2030, 2040, etc., c'est plutôt lui ce qu'il perçoit arriver à partir des sources qu'il a, mais c'est pas Apple n'a pas dans ses bureaux encore un design de produit qui arriverait en 2030, 2040 quoi. Donc lui c'est comment il voit le marché d'Apple évoluer, mais ça c'est de la prédiction, et la prédiction ça par définition ça peut se planter, sinon on aurait déjà tous un téléviseur Apple, je vous rappelle, dans nos salons. Forcément. Mais d'ailleurs, parmi les prédictions de Ming-Chi Kuo sur lesquelles je suis extrêmement dubitatif dans le monde Apple, c'est une arrivée des MacBook. Pourtant, il y a l'air d'y avoir un consensus, hein, de MacBook avec les ports HDMI, là. Des ports HDMI. Je les vois pas du tout intégrer des ports HDMI. Ouais, mais pourquoi pas, on verra. On va pas spéculer plus sur les ports HDMI, par contre on va regarder ce qu'on peut utiliser avec un port HDMI, notamment nos consoles, et on va passer à une rubrique jeux vidéo, à commencer par des dernières infos, alors là aussi sous l'angle rumeur, sous l'angle des analyses de ce que pourrait être une Switch version, j'ose le terme, une Switch Pro, Guillaume. Oui, en fait ça va aller vite, hein, parce qu'on sait absolument rien, parce que Bloomberg Japan a eu un scoop selon lequel, oui, il y aurait une nouvelle Switch avec un écran OLED de 7 pouces, donc qui serait donc un petit peu plus grand que ce qu'il y a aujourd'hui. Avec format plutôt cool, en fait. Ouais, ça peut être très cool, enfin c'est sûr, hein, la résolution serait toujours de 720p pour l'écran donc intégré. Le truc c'est que il paraît que lorsqu'elle serait dockée, cette Switch qui est peut-être pro, peut-être pas pro, enfin en tout cas qui est une Switch qui serait peut-être comme une espèce de 3DS, de New 3DS, donc cette espèce de New Switch pourrait donc envoyer du 4K lorsqu'elle serait dockée. Sauf que bien entendu, Bloomberg ne sait absolument pas comment, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'à l'intérieur du dock il y a une puce supplémentaire qui fait plus de calculs? Est-ce que c'est une puce plus puissante dedans? Est-ce qu'il y a du DLSS qui permettrait de faire de l'upscaling très intelligent à partir d'une source qui serait juste 1080p tout simplement et qui serait donc juste dans le dock? Occupe ça, voilà, personne n'en sait rien. Donc il n'y a pas vraiment énormément d'informations, sauf qu'il se murmure aussi qu'il pourrait y avoir des titres exclusifs à cette Switch Pro, ce qui n'est pas forcément super étonnant étant donné qu'il y a aussi eu une poignée de titres exclusifs à la New 3DS. Donc voilà, pour l'instant, on est... Ah oui ? Ben ouais, bien sûr. Il y avait quoi ? Parce que justement, j'étais en train de me dire, oh, ça ne semble pas du tout. Il y avait Fire Emblem Warriors, il y avait probablement un ou deux autres trucs que j'ai zappé, mais bon, il y en avait. D'accord, intéressant. Globalement, Nintendo a un historique, après renseignement, de jeux qui demandent soit une nouvelle console, soit un tel accessoire pour fonctionner. Feu la Wii demandait, au bout d'un moment, certains jeux demandaient le Wii Controller, le Wii Motion Plus. La Nintendo 64 demandait le RAM Pack sur certains jeux. Ils ont un historique de demander des fois un certain achat, alors soit par des accessoires, soit carrément une nouvelle console, comme c'est le cas sur la New 3DS. Ou avoir carrément des jeux qui fonctionnent carrément mal sur les consoles normales. Par exemple, c'était le cas d'Hyrule Warriors sur 3DS, qui était... qui était difficile à jouer, enfin qui était vraiment très saccadé, il me semble, alors qu'ils étaient bien meilleurs sur New 3DS, par exemple. Oui, ça d'ailleurs, c'est tout dans le jeu. Enfin, c'est toutes les cette nouvelle Switch, ça pose beaucoup de questions parce que les informations sont crédibles dessus. C'est plus loin qu'une simple rumeur parce que c'est plusieurs fois que Bloomberg en parle. Et a priori, Nintendo a déjà demandé à commencer à demander aux développeurs d'adapter leur jeu pour qu'il soit prêt pour de la 4K. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même. Quand tu commences à demander aux développeurs de faire quelque chose, et a priori, les équipes de développement sont sorties, c'est que le projet est quand même bien avancé. Mais moi, ça me fait poser plein de questions parce que actuellement, la Switch se vend très bien. Et elle se vend très bien, notamment parce qu'elle utilise des technologies vieillissantes. Et que ces technologies vieillissantes, on sait les produire en masse assez facilement. Or, si t'as une nouvelle Switch qui sort et qui du coup utilise des technologies plus récentes, elle risque de subir la même pénurie que ce que la PlayStation 5 ou la Xbox série XS subissent en ce moment, ou les cartes graphiques, etc. Et du coup, est-ce que Nintendo ne se tirerait pas une balle dans le pied en sortant une console qui ne serait pas capable de produire et donc de vendre, ce qui automatiquement pourrait freiner les ventes de la Switch classique qui, elle, jusqu'à présent, se vend hyper bien. Enfin, ils enchaînent trimestre record sur record. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions autour de cette Switch. L'écran OLED, moi, la définition 720p ne me pose pas du tout de problème parce que je trouve ça assez logique en termes de puissance graphique demandée. Tout à fait. Quelque chose de supérieur à du 720p, ça demanderait plus de ressources, donc moins de batterie, etc. Donc, je parle pas de l'écran lui-même, je parle vraiment de la puissance graphique du processeur pour faire tourner un jeu en 900p ou en 1080p. Donc, le 720p, c'est très bien. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de questions sur le temps d'annonce, quel jeu, quelle date de sortie, quel prix. Autour de cette console, c'est vraiment étonnant, j'ai hâte d'en savoir plus. Et sur la question du DLSS, évidemment, tout le monde y pense, puisque c'est Nvidia qui fournit la technologie de la Switch. Et évidemment, ça semble être un peu la réponse magique pour pouvoir faire des jeux Switch en 4K facilement, et pas trop, de façon pas trop coûteuse. Mais en même temps, j'ai du mal à croire à Nintendo qui adopterait une technologie aussi de pointe. Ils aiment plutôt, en général, les technologies éprouvées. Aujourd'hui, il n'y a pas 100% des jeux qui sortent sur PC qui bénéficient du DLSS, tu vois. Et j'ai du mal à imaginer Nintendo réussir à généraliser ça. Enfin, je suis un peu dans une position où j'ai pas envie d'y croire pour l'instant, même si ça semble être la bonne technologie et ça semble être idéal. C'est peut-être un peu trop moderne et un peu trop récent pour être intégré à la Switch Pro. Bon, je sais qu'on a souvent, non, pas souvent, on a de temps en temps des commentaires qui nous rappellent à l'ordre en disant que on fait parfois trop des analyses sur des rumeurs, des faisceaux d'indices concordants. Donc on va mettre ça de côté, mais en tout cas sachez qu'effectivement on suit de près ce qui se passe autour de cette Switch qui va forcément tôt ou tard évoluer. On suit aussi ce qui se passe du côté de Shadow, donc c'est ce service de cloud PC. Donc en gros, au lieu d'acheter une unité centrale d'un PC très puissant, vous souscrivez à un service et c'est la société Shadow qui vous propose l'accès à ce PC à distance et vous n'avez plus qu'à mettre votre petit écran, à condition d'avoir une connexion internet à peu près correcte quand même, votre petit écran, vos périphériques, et vous remplacez un PC potentiellement de gamer, sauf que ça va pas très bien pour Shadow, Guillaume. Non, de toute façon, il y avait des gros soucis, hein. Ils avaient des gros soucis de trésorerie, donc ils n'arrivaient pas en fait à encaisser la demande parce qu'ils avaient plus d'argent, quoi. C'était très difficile. Bon, ils sont carrément passés en redressement judiciaire. Et donc, ils ont fini par chercher un repreneur, et il est possible que ce repreneur soit Octave Klaba, qui donc est le fondateur d'OVH. Il passerait par son fonds JSB Ventures pour les racheter. Et donc, ça veut dire que Shadow pourrait devenir un truc parmi le bouquet de services d'OVH. Voilà, peut-être que leur offre pourrait évoluer vers quelque chose de plus général que le cloud gaming. Même si le cloud gaming, ce type de cloud gaming, ils vont rester quand même sur ce truc-là. Et d'ailleurs, ceux qui sont abonnés déjà à Shadow le resteront. Donc ça continuera de fonctionner vraisemblablement. Donc il est possible qu'on s'achemine vers un truc comme ça, mais bon, pour l'instant, c'est pas complètement officiel. Et puis on veut. Oui, non, juste rapidement sur la proposition de OVH, enfin de Octave Klaba, ce serait pour créer un équivalent de un concurrent. Enfin, il voudrait intégrer ça dans son projet de créer un concurrent à G Suite de Google et Office 365 de Microsoft. Donc l'idée serait de transformer quand même beaucoup le service, enfin de l'orienter vers du professionnel et enfin le voilà le de potentiellement faire de Shadow une sorte de d'alimentation d'un service en ligne de bureautique et de travail d'entreprise. Ouais. Mais pour le coup, les besoins sont vraiment très, très, très différents, quoi. Parce que quand tu fais du bureau à distance, on t'as pas besoin d'accord. du tout de ce type de, enfin, tu vois, c'est vraiment très différent d'avoir Windows à distance et Witcher 3 à distance, quoi. Donc, bien sûr. Je suis un petit peu étonné par le fait que, oui, je sais qu'il veut faire un truc concurrent à G Suite, mais à quoi Shadow va servir? Enfin, est-ce qu'il a vraiment besoin de Shadow pour ça? Je pas l'impression, quoi. Donc, je sais pas trop. Mystère. Allez, on va terminer par un dernier sujet jeux vidéo. Et je sais que vous êtes très intéressé, toi aussi beaucoup, Kassim, pour suivre ce qui se passe autour de ce sujet-là. C'est évidemment Bethesda qui rejoint désormais officiellement Microsoft, enfin la famille Xbox. Oui, la Commission européenne a donné son aval. Mais ça, c'est très cool, n'est-ce pas, Kassim? Oui, non, mais enfin, c'est même du coup, enfin, ils l'ont donné en début. Enfin, la Commission européenne, oui, a donné son aval en début de semaine, et là, Microsoft, du coup, maintenant qu'ils ont eu le feu vert de toutes les autorités dont ils avaient besoin, ils ont carrément intégré donc très officiellement Bethesda aujourd'hui à leur écosystème. Donc, c'est quand même 2300 employés hein, qui rejoignent Microsoft hein, et 8 studios, pardon. Qui se rajoute donc à l'écurie Xbox et ils ont quand même du coup répondu à quelques questions que les gens se posent, notamment sur la question des exclusivités, parce que c'est vraiment le gros point d'interrogation qu'il y avait sur ce rachat. Donc ils ont expliqué que certains jeux à l'avenir seraient exclusifs à la Xbox et au PC. Donc c'est pas encore très précis, il faudra voir lesquels sont exclusifs. Il y a beaucoup d'hypothèses possibles. Est-ce que par exemple les jeux services resteront multiplateformes? Est-ce que les jeux qui étaient en cours de développement jusqu'à présent seront encore multiplateformes, puis ceux d'après peut-être deviendront exclusifs? Ça, on ne sait pas. Donc il y a encore quelques questions en suspens. A priori, quand même, faut partir du principe que peut-être de plus en plus de jeux de Bethesda seront amenés, en tout cas, à être disponibles d'abord sur Xbox, ou en tout cas sur Xbox seront dans le fameux Xbox Game Pass, puisque c'est quand même le point central de ce rachat pour Microsoft, c'est d'alimenter son service un peu à la Netflix. Et puis c'est quand même c'est un événement central dans l'industrie du jeu vidéo, hein, ce rachat quand même. C'est pas rien, Bethesda, pour rappel, c'est Doom, Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein et beaucoup d'autres. Ça donne aussi à Microsoft son premier studio japonais avec, j'ai oublié leur nom, mais c'est ceux qui font les Evil Within, Tango Gameworks. Donc c'est un rachat qui est vraiment très important dans l'industrie et puis qui est central autour de beaucoup d'événements dans l'industrie du jeu vidéo, de rachat, d'investissement en ce moment qu'il y a. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait une news de telle société qui rachète telle autre, ou telle société qui investit dans telle autre, ou telle société qui crée un nouveau studio dans telle ville. Il y a quelques semaines, c'était Larian Studio, par exemple, qui annonçait un nouveau studio pour travailler sur Baldur's Gate 3. L'industrie est vraiment en pleine mutation en ce moment dans le jeu vidéo, donc c'est intéressant à suivre. Et de la mutation aussi, c'est du côté de chez Google Stadia, mais on va pas revenir dessus, on en a déjà parlé. On arrive au bout des news qu'on voulait vous partager pour ce nouvel épisode de Tech Café. Kassim, merci infiniment, c'est toujours un plaisir de t'avoir à nos côtés pour un épisode de Tech Café. Il est grand temps que tu rappelles aux personnes qui nous écoutent où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur Internet. Mais tu sais, c'est toujours un plaisir d'enregistrer les épisodes les plus longs de Tech Café, puisque je suis un vrai bavard. Presque. On peut me retrouver, si vous voulez encore plus m'entendre parler ou me lire plutôt, vous pouvez me retrouver sur frandroid.com ou sur Twitter @notkassim, notkassim. Et comme je le disais en intro, évidemment aussi sur Paracult dans le dernier épisode, tu as décrété officiellement, on va le prendre comme tel, que c'était le meilleur épisode de Paracult. Merci beaucoup. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite discuter avec toi de la valeur ajoutée écologique ou pas des crypto-monnaies, mais peut-être aussi d'autres choses? Oui, ou d'autres choses, je sais pas. Ou alors, vous me retrouvez, je sais pas, on dérive sur Tananarive ou peut-être à faire un détour à Hambourg avant de manger des pruneaux à Lugano. c'est beau. Ah ben, c'est tout un programme. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Je vous invite plus que jamais à aller envisager un soutien hein, sur patreon.com/chaque café. D'ailleurs, pour la durée que vous voulez, c'est aussi l'avantage de cette plateforme qui est très, très souple. C'est que c'est très facile de s'inscrire, mais c'est aussi très facile de se désinscrire. Donc, si vous voulez soutenir l'émission pour une période donnée, ben, pourquoi pas? Ça fait de toute façon plaisir de voir que vous envisagez cela. Et puis, n'oubliez pas aussi de déposer votre évaluation qui sera relayée dans les prochains épisodes et où vous dites allez tout le bien que vous pensez de Tech Café hein, forcément vous retrouvez Tech Café sur techcafé.fr ou dans n'importe quelle application de podcast. Merci beaucoup de votre fidélité, on compte sur vous pour aller jeter un coup d'œil à Paraculte où vous avez compris on parle de pop culture et de trucs qu'on a adoré, mais aussi dans ReLife, un podcast où je parle avec Matt d'amélioration du quotidien et de développement personnel au moment où mon chat oui. s'excite un petit peu, mais je vais aller le calmer. Merci Oula. Beaucoup de votre fidélité. À très très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao. Ciao.